C'était un jeune homme qui avait grandi dans une boîte de conserve. Il était venu au monde dans un supermarché. Et un jour, une vieille dame choisit la boîte de conserve dans laquelle il était enfermé. Elle le ramena chez lui, chez elle. Et au moment de manger, elle entreprit d'ouvrir la boîte. Mais bizarrement, il y a un liquide rouge sorti de la boîte et qui ressemblait vraiment à du sang. Elle ne fut pas effrayée du tout, comme on pourrait le croire, et elle continua d'ouvrir la boîte. Et d'un air étonné, elle s'aperçut qu'il y avait des cheveux qui dépassaient. Et elle continua quand même à ouvrir la boîte. Et là, elle s'aperçut qu'à l'intérieur, il y avait un mini-humain tout écrasé. Alors elle se résolut à le manger quand même et à oublier cette histoire très vite.